À un dîner daté. Ceci est digne de Jean sans Dieu. Signé Allen. Le jour tombait depuis quelques instants dans les rues de la ville de. Mais dans l'église de cette petite et expressive ville de l'Ouest, la nuit était tout à fait venue. La nuit avance presque toujours dans les églises. Elle y descend plus vite que partout ailleurs, soit à cause des reflets sombres des vitraux, quand il y a des vitraux, soit à cause de l'entrecroisement des piliers, si souvent comparé aux arbres des forêts, et aux ombres portées par les voûtes. Cette nuit des églises, qui devance un peu la mort définitive du jour au dehors, n'en fait guère nulle part fermer les portes. Généralement, elles restent ouvertes, l'angélus sonné, et même quelquefois très tard, la veille des grandes fêtes, par exemple, dans les villes dévotes, où l'on se confesse en grand nombre pour les communions du lendemain. Jamais, à aucune heure de la journée, les églises de province ne sont plus hantées par ceux qui les fréquentent qu'à cette heure vespérale, où les travaux cessent, où la lumière agonise, et où l'âme chrétienne se prépare à la nuit qui ressemble à la mort, et laquelle la mort peut venir. À cette heure-là, on sent vraiment très bien que la religion chrétienne est la fille des catacombes, et qu'elle a toujours quelque chose en elle des mélancolies de son berceau. C'est à ce moment, en effet, que ceux qui croient encore à la prière aiment à venir s'agenouiller et s'accouder, le front dans leurs mains, en ces nuits mystérieuses des nefs vides, qui répondent certainement aux plus profonds besoins de l'âme humaine. Car si pour nous autres mondains et passionnés, le tête-à-tête en cachette avec la femme aimée nous paraît plus intime et plus troublant dans les ténèbres, pourquoi n'en sera-t-il pas de même pour les âmes religieuses avec Dieu, quand il fait noir devant ses tabernacles et qu'elle lui parle de bouche à bouche dans l'obscurité? Or, c'est ainsi qu'elle semblait lui parler dans l'église de ce jour-là. Les âmes pieuses qui étaient venues faire leur prière du soir, selon la coutume. Quoique dans la ville, grise d'un crépuscule brumeux d'automne, les réverbères ne fussent pas encore allumés, ni la petite lampe grillagée de la statue de la Vierge, qu'on voyait à la façade de l'hôtel des dames de la Varangerie, et qui n'y est plus à présent, il y avait plus de 2 heures que les vêpres étaient finies, car c'était dimanche ce jour-là. Et le nuage d'encens, qui forme longtemps un des bleuâtres dans l'en haut des voûtes du chœur, après les offices, s'y était évaporé. La nuit, épaisse déjà dans l'église, y étalait sa grande draperie d'ombre, qui semblait comme une voile tombant d'un mât, déferlée des cintres. 2 maigres cierges, perchés au tournant de 2 piliers de la nef, assez éloignés l'un de l'autre, et la lampe du sanctuaire, piquant sa petite étoile immobile dans le noir du chœur, plus profond que tout ce qui était noir alentour, faisait ramper sur les ténèbres qui noyaient la nef et les bas-côtés une lueur fantomale plutôt qu'une lumière. À cette filtration de clarté incertaine, il était possible de se voir douteusement et confusément, mais il était impossible de se reconnaître. On apercevait bien, ici et là, dans les pénombres, des groupes plus opaques que les fonds sur lesquels ils se détachaient vaguement. Des dos coupés, quelques coiffes blanches de femmes du peuple agenouillées par terre, 2 ou 3 mantelets qui avaient baissé leurs capuchons, mais c'était tout. On s'entendait mieux qu'on ne se voyait. Toutes ces bouches qui priaient à voix basse, dans ce grand vaisseau silencieux et sonore, et par le silence rendu plus sonore, faisaient ce susurrement singulier, qui est comme le bruit d'une fourmilière d'âmes, visible seulement à l'œil de Dieu. Ce susurrement continu et menu, coupé par intervalles de soupirs, ce murmure labial, si impressionnant dans les ténèbres d'une église muette, n'était troublé par rien, si ce n'est parfois, par une des portes des bas-côtés, qui roulait sur ses gonds et claquait en se refermant derrière la personne qui venait d'entrer. Le bruit alerte et clair d'un sabot qui longeait l'oreille des chapelles, une chaise qui, heurtée dans l'obscurité, tombait, et de temps en temps, 1 ou 2 toux, de ces toux retenus de dévotes, qui les musiquent et qui les flûtent, par respect pour les saints échos de la maison du Seigneur. Mais ces bruits, qui n'étaient que le passage rapide d'un son, n'interrompaient pas ces âmes attentives et ferventes dans le train-train de leurs prières et l'éternité de leurs susurrements. Et voilà pourquoi, de ce groupe de fidèles, recueillis et rassemblés chaque soir dans l'église de, aucun ne prit garde à un homme qui en eût assurément étonné plus d'un, s'il avait fait assez de jour ou de clarté, pour qu'il fût possible de le reconnaître. Ce n'était pas lui, un hanteur d'église. On ne l'y voyait jamais. Il n'y avait pas mis le pied depuis qu'il était revenu, après des années d'absence, habiter momentanément sa ville natale. Pourquoi donc y entrait-il ce soir-là? Quel sentiment, quelle idée, quel projet l'avait décidé à franchir le seuil de cette porte, devant laquelle il passait plusieurs fois par jour, comme si elle n'eût pas existé? C'était un homme haut en tout, qui avait dû courber sa fierté autant que sa grande taille, pour passer sous la petite porte basse cintrée, et verdie par les humidités de ce pluvieux climat de l'Ouest, et qu'il avait prise pour entrer. Il ne manquait pas, après tout, de poésie dans sa tête de feu. Quand il entra dans ce lieu qu'il avait probablement désappris, fut-il frappé de l'aspect presque tombal de cette église, qui de construction ressemble à une crypte, car elle est plus basse que le pavé de la place sur laquelle elle est bâtie, et son portail à escalier intérieur de quelques marches plus élevé que le maître-autel. Il n'avait pas lu Sainte Brigitte. S'il l'avait lu, il aurait, en entrant dans cette atmosphère nocturne, pleine de mystérieux chuchotements, pensé à la vision de son purgatoire, à ce dortoir morne et terrible, où l'on ne voit personne, et où l'on entend des voix basses et des soupirs qui sortent des murs. Quel que fût du reste son impression, toujours est-il qu'il s'arrêta, peu sûr de lui-même et de ses souvenirs, s'il en avait au milieu de la contre-allée dans laquelle il s'était engagé. Pour qu'il l'eût observé, il cherchait évidemment quelqu'un ou quelque chose, qu'il ne trouvait pas dans ses ombres. Cependant, quand ses yeux s'y furent un peu faits, et qu'il put retrouver autour de lui les contours des choses, il finit par apercevoir une vieille mendiante, croulée, plutôt qu'agenouillée, pour dire son chapelet à l'extrémité du banc des pauvres, et il lui demanda, en la touchant à l'épaule, la chapelle de la Vierge et le confessionnal d'un prêtre de la paroisse qu'il lui nomma. Renseigné par cette vieille habituée du banc des pauvres, qui depuis 50 ans peut-être semblait faire partie du mobilier de l'église de et lui appartenir autant que les marmousets de ses gargouilles, l'homme en question arriva, sans trop d'encombre, à travers les chaises dérangées et dispersées par les offices de la journée, et se planta juste debout devant le confessionnal qui est au fond de la chapelle. Il y resta les bras croisés, comme les ont presque toujours dans les églises les hommes qui n'y viennent pas pour prier et qui veulent pourtant y avoir une attitude convenable et grave. Plusieurs dames de la congrégation du Saint-Rosaire, alors en oraison autour de cette chapelle, si elles avaient remarqué cet homme, n'auraient pu le distinguer autrement que par, je ne dirais pas l'impiété, mais la non-piété de son attitude. D'ordinaire, il est vrai, les soirs de confession, il y avait auprès de la quenouille de la Vierge, ornée de ses rubans, un cierge torse de cire jaune allumé, et qui éclairait la chapelle. Mais comme on avait communié en foule le matin, et qu'il n'y avait plus personne au confessionnal, le prêtre de ce confessionnal, qui faisait solitairement sa méditation, en était sorti, avait éteint le cierge de cire jaune, et était rentré dans son espèce de cellule en bois, pour y reprendre sa méditation, sous l'influence de cette obscurité qui empêche toute distraction extérieure et qui féconde le recueillement. Était-ce ce motif, était-ce hasard, caprice, économie ou quelque autre raison de ce genre qui avait déterminé l'action très simple de ce prêtre? Mais à coup sûr, cette circonstance sauva l'incognito, s'il tenait à le garder, de l'homme entré dans la chapelle, et qui d'ailleurs n'y demeura que peu d'instants. Le prêtre qui avait éteint son cierge avant son arrivée, l'ayant aperçu à travers les barreaux de sa porte à claire-voie, rouvrit toute grande cette porte, sans quitter le fond du confessionnal dans lequel il était assis. Et l'homme, décroisant ses bras, tendit au prêtre un objet indiscernable qu'il avait tiré de sa poitrine. « Tenez, mon père, dit-il d'une voix basse mais distincte, voilà assez longtemps que je le traîne avec moi. » Et il n'en fut pas dit davantage. Le prêtre, comme s'il eût su de quoi il s'agissait, prit l'objet et referma tranquillement la porte de son confessionnal. Les dames de la congrégation du Saint-Rosaire crurent que l'homme qui avait parlé au prêtre allait s'agenouiller et se confesser, et furent extrêmement étonnées de le voir descendre le degré de la chapelle d'un pied leste et regagner la contre-allée par où il était venu. Mais si elles furent surprises, il fut encore plus surpris qu'elles, car au beau milieu de cette contre-allée qu'il remontait pour sortir de l'église, il fut saisi brusquement par deux bras vigoureux, et un rire abominablement scandaleux, dans un lieu si saint, partit presque à 2 pouces de sa figure. Heureusement pour les dents qui riaient et qu'il les reconnut, si près de ses yeux. « Sacré nom de Dieu !» fit en même temps le rieur à mi-voix, mais pas de manière cependant qu'on n'entendit pas, près de là, le blasphème et l'autre irrévérente parole. « Qu'est-ce que tu fous donc, Ménil, dans une église à par ailleurs? Nous ne sommes plus en Espagne, comme au temps où nous chiffonnions si joliment les grimpes des religieuses d'Avila. » Celui qui l'avait appelé Ménil eut un geste de colère. « Tais-toi, dit-il en réprimant l'éclat d'une voix. Qui ne demandait qu'à retentir? Es-tu ivre? Tu jures dans une église comme dans un corps de garde? Allons, pas de sottises, et sortons d'ici décemment tous deux. » Et il doubla le pas, enfila, suivi de l'autre, la petite porte basse, et quand dehors et à l'air libre de la rue, ils eurent pu reprendre la plénitude de leur voix. « Que tous les tonnerres de l'enfer te brûlent, Ménil !» continua l'autre, qui paraissait comme enragé. « Vas-tu donc te faire capucin? Vas-tu donc manger de la messe? Toi, Ménil Grand, toi, le capitaine de Chamboran, comme un calotin dans une église? Tu y es, tiens bien, toi, » dit Ménil avec tranquillité. « J'y étais pour t'y suivre, je t'ai vu y rentrer. Plus étonné de ça, ma parole d'honneur, que si j'avais vu violer ma mère. Je me suis dit, qu'est-ce donc qu'il va faire dans cette grange après taille? Puis j'ai pensé qu'il y avait là quelques damnées anguilles de jupe sous roche, et j'ai voulu voir pour quelle grisette ou pour quelle grande dame de la ville tu y allais. Je n'y suis allé que pour moi seul, mon cher, dit Ménil, avec l'insolence froide du plus complet mépris, de ce mépris qui se soucie bien de ce qu'on pense. Alors tu m'étonnes plus diablement que jamais. Mon cher, reprit Ménil en s'arrêtant, les hommes comme moi n'ont été faits de toute éternité que pour étonner les hommes comme toi. Et tournant le dos et hâtant le pas, comme quelqu'un qui n'entend pas être suivi, il monta la rue de Gisors et regagna la place Turin, dans un des angles de laquelle il demeurait. Il demeurait chez son père, le vieux monsieur de Ménilgrand, comme on l'appelait par la ville, quand on en parlait. C'était un vieillard riche et avare, prétendait-on, dur à la détente. C'était le mot dont on se servait, qui, depuis longues années, vivait retiré de toute compagnie, excepté pendant les 3 mois que son fils, qui habitait Paris, venait passer dans la ville de... Alors ce vieux monsieur de Ménilgrand, qui ne voyait pas un chat d'ordinaire, se mettait à inviter et à recevoir les anciens amis et camarades de régiment de son fils, et à se gaver de ses somptueux dîners d'avare, à faire partout, disaient les rabelaisiens de l'endroit, fort mal proprement et fort ingratement aussi, car la chair, cette chair de vilain inventée par les proverbes, y était excellente. Pour vous en donner une idée, il y avait, à cette époque-là, dans la ville de... un fameux receveur particulier des finances, qui avait, quand il y arriva, produit l'effet d'un carrosse à 6 chevaux entrant dans une église. C'était un assez mince financier que ce gros homme, mais la nature s'était amusée à en faire, de vocation, un grand cuisinier. On racontait qu'en 1814, il avait apporté à Louis XVIII, d'étalant Vergan, d'une main la caisse de son arrondissement, et de l'autre un coulis de truffes qui semblait avoir été cuisiné par les 7 diables des péchés capitaux, tant il était délicieux. Louis XVIII avait, comme de juste, pris la caisse sans dire seulement merci, mais de reconnaissance pour le coulis, il avait orné l'estomac, prépotent de ce maître queue de génie, poussé en pleine finance de son grand cordon noir de Saint-Michel, qu'on n'accordait guère qu'à des savants ou à des artistes. Avec ce large cordon moiré, toujours plaqué sur son gilet blanc, et son crachat d'or allumant sa bedaine, ce turcaret de M. Deltoc, il s'appelait Deltoc, qui les jours de Saint-Louis portait l'épée et l'habit de velours à la française, orgueilleux et insolent comme 36 cochers anglais poudrés d'argent, et qui croyait que tout devait céder à l'empire de ses sauces, était pour la ville de un personnage de vanité et de faste presque solaire. Eh bien, c'est avec ce haut personnage dînatoire, qui se vantait de pouvoir faire 49 potages maigres d'espèces différentes, mais qui ne savait pas combien il en pouvait faire de gras, c'était l'infini, que la cuisinière du vieux M. de Ménilgrand luttait, et à qui elle donnait des inquiétudes, pendant le séjour de son fils, au vieux M. de Ménilgrand. Il en était fier de son fils, mais aussi il en était triste, ce grand vieillard de père, et il y avait de quoi. Son jeune homme, comme il l'appelait, quoiqu'il eût 40 ans passés, avait eu la vie brisée du même coup qui avait mis l'Empire en miettes, et renversé la fortune de celui qui alors n'était plus que l'empereur, comme s'il avait perdu son nom dans sa fonction et dans sa gloire. Parti, comme Vélite à 18 ans, de l'étoffe dans laquelle se taillaient les maréchaux à cette époque, le fils Ménilgrand avait fait les guerres de l'Empire, ayant sur son colbac tous les panaches de l'espérance. Mais le tonnerre final de Waterloo avait brûlé jusqu'à ras de terre ses dernières ambitions. Il était de ceux que la Restauration ne reprit pas à son service, parce qu'il n'avait pu résister à la fascination du retour de l'île d'Elbe, qui fit oublier leur serment aux hommes les plus forts, comme s'ils avaient perdu leur libre arbitre. Le chef d'escadron, Ménilgrand, celui dont les officiers de Chamboran, ce régiment romanesquement brave, disait « On peut être aussi brave que Ménil Grand, mais davantage c'est impossible. » Il vit de ses camarades de régiment, qui n'avaient pas des états de service comparables aux siens, devenir à sa moustache colonel des plus beaux régiments de la garde royale. Et quoiqu'il ne fût pas jaloux, ce lui fut une cruelle angoisse. C'était une nature de l'intensité la plus redoutable. La discipline militaire d'un temps, où elle fut presque romaine, fut seule capable d'endiguer les passions de ce violent, qui, de ses passions inexprimablement terribles, avait révolté sa ville natale avant 18 ans et faillit mourir. Avant 18 ans, en effet, des excès de femme, des excès insensés, lui avaient donné une maladie nerveuse, une espèce de table dorsale pour lequel il avait fallu lui brûler la colonne vertébrale avec des moxas. Cette médication effrayante qui épouvanta la ville de, comme ses excès, l'avait épouvantée, fut un genre de supplice exemplaire dont les pères de famille de la ville infligèrent la vue à leurs fils pour les moraliser, comme on moralise les peuples par la terreur. Ils les menèrent voir brûler le jeune Ménilgrand, qui n'échappa aux morsures du feu, dirent les médecins, que grâce à une organisation d'enfer. C'était le mot, puisqu'elle avait si bien résisté à la flamme. Aussi, quand, avec cette organisation si prodigieusement exceptionnelle, qui après les moxas résista plus tard aux fatigues, aux blessures et à tous les fléaux qui puissent fondre sur un homme de guerre, Ménilgrand, robuste encore, se vit en pleine maturité, sans le grand avenir militaire, qu'il avait rêvé sans but désormais, les bras cassés et l'épée clouée au fourreau. Ses sentiments s'exaspérèrent jusqu'à la fureur la plus aiguë. S'il fallait pour le faire comprendre chercher dans l'histoire un homme à qui comparer Ménilgrand, on serait obligé de remonter jusqu'au fameux Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Un moraliste ingénieux, préoccupé du non-sens de nos destinées, a pour l'expliquer prétendu que les hommes ressemblent à des portraits dont les uns ont la tête ou la poitrine coupée par leur cadre, sans proportion avec leur grandeur naturelle, et dont les autres disparaissent, rapetissés et réduits à l'état de nains par l'absurde immensité du leur. Ménilgrand, fils d'un simple hobereau bas normand, qui devait mourir dans l'obscurité de la vie privée, après avoir manqué la grande gloire historique pour laquelle il était né, se rencontra à voir, et pour quoi en faire, l'épouvante puissance de furie continue, d'envenimement et d'ulcération enragée, qu'avait ce téméraire, que l'histoire appelle aussi le terrible Waterloo, qui l'avait jeté sur le pavé, fut pour lui en une fois ce que Granson et Morat avaient été en deux pour cette foudre humaine qui s'éteignit dans les neiges de Nancy. Seulement, il n'y eut pas de neige de Nancy pour Ménilgrand, le chef d'escadron dégommé, comme disent les gens qui déshonorent tout, avec leur bas vocabulaire. À cette époque, on crut qu'il se tuerait, ou qu'il deviendrait fou. Il ne se tua point et sa tête résista. Il ne devint pas fou. Il l'était déjà, disent les rieurs, car il y avait toujours des rieurs. S'il ne se tua pas, et sa nature étant donnée, ses amis auraient pu lui demander, mais ne lui demandèrent pas pourquoi, il n'était pas homme à se laisser manger le cœur par le vautour, sans essayer d'écraser le bec du vautour. Comme Alfieri, cet incroyable volontaire d'Alfieri, qui ne sachant rien que dompter des chevaux, apprit le grec à 40 ans, et fit même des vers grecs, Ménilgrand se jeta, ou plutôt se précipita, dans la peinture, c'est-à-dire dans ce qu'il y avait de plus éloigné de lui, exactement comme on monte au 7e étage pour se tuer mieux, en tombant de plus haut quand on veut se jeter par la fenêtre. Il ne savait pas un mot de dessin, et il devint peintre, comme Géricault, qu'il avait, je crois, connu aux mousquetaires. Il travailla avec la furie de la fuite devant l'ennemi, disait-il, avec un rire amer, exposa, fit éclat, n'exposa plus, crevant ses toiles après les avoir peintes, et recommençant de travailler avec un infatigable acharnement. Cet officier, qui avait toujours vécu le bancal à la main, emporté par son cheval à travers l'Europe, passa sa vie piqué devant un chevalet, sabrant la toile de son pinceau, et tellement dégoûté de la guerre, le dégoût de ceux qui l'adorent, que ce qu'il peignait le plus c'était des paysages comme ceux qu'il avait ravagés. Tout en les peignant, il mâchait je ne sais quel mastic d'opium, mélangé au tabac qu'il fumait jour et nuit, car il s'en était fait construire une espèce de houka de son invention, dans lequel il pouvait fumer même en dormant. Mais ni les narcotiques, ni les stupéfiants, ni aucun des poisons avec lesquels l'homme se paralyse et se tue en détail, ne purent endormir ce monstre de fureur, qui ne s'assoupissait jamais en lui et qu'il appelait le crocodile de sa fontaine, un crocodile phosphorescent dans une fontaine de feu. D'aucuns, qui le connaissaient mal, le crurent longtemps Carbonaro. Mais pour ceux qui le connaissaient mieux, il y avait trop de déclamations et de libéralisme bête dans le carbonarisme pour qu'un homme aussi absolu tombât dans les niaiseries qu'il jugeait, avec la ferme judiciaire de son pays. Et de fait, en dehors de ses passions, dont l'extravagance avait été quelquefois sans limite, il avait le sentiment net de la réalité qui distingue les hommes de race normande. Il ne donna jamais dans l'illusion des conspirations. Il avait prédit au général Berton sa destinée. D'un autre côté, les idées démocratiques sur lesquelles les impérialistes s'appuyèrent, sous la Restauration, pour mieux conspirer, lui répugnaient d'instinct. Il était profondément aristocrate. Il ne l'était pas seulement de naissance, de caste, de rang social. Il l'était de nature, comme il était lui, et pas un autre, et comme il l'eût été encore, aurait-il été le dernier cordonnier de sa ville. Il l'était enfin, comme dit Henri N., par sa grande manière de sentir, et non point bourgeoisement, à la façon des parvenus, qui aiment les distinctions extérieures. Il ne portait pas ses décorations. Son père, le voyant à la veille de devenir colonel, quand s'écroula l'Empire, lui avait constitué un majorat de baron. Mais il n'en prit jamais le titre. Et sur ses cartes et pour tout le monde, il ne fut que le chevalier de Ménilgrand. Les titres vidés des privilèges politiques, dont ils étaient bourrés autrefois, et qui en faisaient de vraies armes de guerre, ne valaient pas plus à ses yeux que des écorces d'orange, quand l'orange n'y est plus. Et il s'en moquait bien, même devant ceux qui les respectaient. Il en donna la preuve un jour dans cette petite ville de entichée de noblesse, où les anciens seigneurs terriens du pays, ruinés et volés par la Révolution, avaient peut-être pour se consoler l'inoffensive manie de s'attribuer entre eux des titres de comte et de marquis, que leur famille très ancienne, et n'ayant nul besoin de cela, pour être très noble, n'avait jamais porté. Ménilgrand, qui trouvait cette usurpation ridicule, prit un moyen hardi pour la faire cesser.